Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, comme tous les mardis du mois de juin, je vous propose de découvrir l'une des histoires préférées d'un des membres de l'équipe. Aujourd'hui, c'est au tour de celle de Cécile, le sculpteur d'étoiles. Bonne écoute. Un réveil sonne, suivi du classique brouhaha matinal du dortoir de l'orphelinat. Shams se lève mollement, farfouille sous son lit pour sortir sa boîte au trésor. Remplie de pierres plus que précieuses à ses yeux, collectée avec soin, au gré de ses explorations dans le parc de l'orphelinat et pendant les sorties de groupe. Comme chaque matin, il en choisit une. Cette fois, ce sera un galet blanc zébré de gris. Sur le chemin le menant au réfectoire, il croise Madame Eudker, la directrice. Intriguée par la pierre qu'il contemple, elle s'approche. « Quelle superbe pierre ! Elle me rappelle le talisman que j'avais petite, et il ne lui manque qu'une spirale composée de milliers de pointillés. »« C'est quoi un talisman ?»« Un petit objet qui protège la personne qui le porte. » « Et vous l'avez plus ?»« Hélas non, je l'ai perdu il y a fort longtemps. Mais assez parlé, filez, ou vous allez vous mettre en retard pour le reste de la journée. » En classe, Shams a une idée. Offrir sa pierre du jour à Madame Eudker pour qu'elle retrouve son talisman. Mais comment décorer sa pierre d'une spirale ? Avec son compas. Mais ce doit être une vraie surprise. Personne ne doit le voir. Alors il patiente jusqu'au soir. Et lorsque tout le monde ronflotte, Shams se faufile dans la salle de classe, allume sa lampe de poche, attrape son compas et se met à l'ouvrage sans voir le temps passer. « Je peux savoir ce que vous faites en classe, il est à peine 6 heures du matin. » Shams peine à ouvrir un œil. Il est affalé sur sa table. Sa joue colle à cause d'un filet de bave. La pointe de son compas n'a plus rien de pointu. Son galet, lui, est constellé d'une myriade de petits points qui forment une spirale presque parfaite. « Désolé, je voulais vous faire un cadeau et j'ai pas vu le temps passer. »« Oh, mais c'est merveilleux, mon talisman d'antan !» « Je me disais que ça vous ferait plaisir. En plus, il vous protégera des monstres. »« Merci, Shams. C'est le plus beau des cadeaux. Maintenant, filez dans le dortoir avant que tout le monde ne se réveille. » Shams retourne discrètement jusqu'à la chambre du dortoir. Mais alors qu'il s'apprête à ouvrir la porte, une respiration porcine s'élève derrière lui et le pétrifie. Oh, « qu'est-ce que tu fais là, toi ?»« Rien, pif. Je sors des toilettes. »« Prends pas pour un jambon. » J'y étais et t'y étais pas. Je sais pas ce que t'as fait, mais je vais te dénoncer. Shams ne préfère pas répondre. Biff a deux passions. Pourrir la vie des autres et user de sa carrure de mini-colosse pour engloutir tous les goûters. Sans surprise, le lendemain à la récréation, Shams est convoqué dans le bureau de Madame Eudker. Assise derrière son bureau, la bouche pincée, les mains posées sur un coffret, elle fixe le garçon avec des yeux rieurs. « Je suis contrainte de vous punir, sans quoi Biff criera à l'injustice et je serai bonne pour gérer une armée de gremlins qui envahira l'orphelinat chaque nuit. »« Bien, Madame Eudker. »« Mais j'ai quelque chose qui va vous redonner le sourire. » Elle pousse le coffret jusqu'au bord de son bureau. Pétillant d'excitation, Shams l'ouvre et y découvre des outils. « Il vous faut être bien outillé si vous voulez créer d'autres talismans. » Shams essaie de se contenir, mais finalement explose de joie et offre le plus grand des câlins à la directrice. Il sort de son bureau, irradiant de bonheur, mais en voyant que Biff l'attend dans le couloir, c'est la douche froide. « Comment ça se fait que tu sois aussi joyeux, Minus ? T'as pas été puni ?»« Si, je suis de corvée de nettoyage de classe. J'aurai moins de temps pour jouer. »« Alors pourquoi tu souris ? C'est quoi ce coffret ? Un cadeau ! De la vieille Eudker ? Montre ça !» Biff avance une grosse main potelée pour le lui chiper. Shams lui saisit le poignet. Tout disparaît. Shams baigne dans le brouillard. Devant lui, l'image d'un enfant grassouillé apparaît. Assis sur le bord de son lit, il serre très fort un joli pendentif en forme d'étoile. Une ombre surgit et le lui arrache. L'enfant fond en larmes avant d'être englouti par les ténèbres. La brume s'évapore. Shams est de nouveau face à Biff. Déboussolé, il recule. Comme je suis pas si méchant, je vais pas te coller une raclée pour avoir résisté. Maintenant, donne-moi ton coffret, Minus. Arrête ça tout de suite, sinon je vais voir Madame Oetker et tu seras puni à vie. Si tu fais ça, ta vie sera un enfer. Comme si ça pouvait être pire. Biff s'approche de Shams et lui décoche un gros coup de poing dans le ventre qui lui coupe la respiration. T'as du cran, Minus. Garde ton cadeau pourri. Mais me croise plus jamais, sinon t'y perdras tes dents. Shams ne se fait pas prier. Dès qu'il a un moment de libre, il s'isole sous l'escalier de service du rez-de-chaussée. Son coin secret. Là, il s'entraîne à tailler, polir et graver ses pierres précieuses. À chaque fois qu'il se met à l'ouvrage, l'image de l'enfant au pendentif étoilé surgit. Il est sûr que c'est Biff. Et ça lui donne une idée. Et s'il essayait de reproduire cette étoile et qu'il lui offrait? Peut-être qu'il deviendrait moins méchant. Tailler une étoile est un sacré défi. Mais après des dizaines d'échecs, Shams finit par réussir. Sa création ressemble à une mini-étoile tout juste décrochée du ciel. Il ne lui reste plus qu'à l'emballer. Alors qu'il se dirige vers la salle d'art plastique pour y prendre du papier, au détour d'un couloir, il percute de plein fouet quelque chose de gros et mou. Biff ! Je t'avais dit de pas me recroiser ! J'aurais préféré te faire un paquet cadeau, mais voilà, c'est pour toi. Biff serre les poings. Sa bouche fait des vagues. Son regard haineux s'embue. Sans un mot, la terreur lui arrache l'étoile des mains, se retourne et lâche un simple. Merci. Avant de s'en aller, Shams reste planté là, béat. Le jour suivant, la terreur est moins terrifiante. Elle ne vole aucun goûter. Un miracle qui fait naître une rumeur. Ce serait grâce à une pierre que Shams lui aurait offerte. Et c'est comme ça qu'un à un, les pensionnaires de l'orphelinat demandent à Shams s'il veut bien leur créer un talisman. À chaque fois, il accepte avec joie. Si bien qu'en quelques semaines, tout le monde en possède un. Vient le jour de la kermesse de fin d'année. Chaque enfant tient un stand qu'il a imaginé. Celui de Shams attire une foule de curieux, séduits à l'idée de repartir avec un talisman unique, si bien qu'à la fin de la journée, il ne lui reste plus rien. Alors qu'il range ses affaires, un homme élégant, vêtu d'un costume rouge, s'approche en faisant rouler entre ses doigts une pierre en forme d'étoile. Celle de Biff. Cette pierre que tu as taillée est une merveille. Comment l'avez-vous eue? Ton ami me l'a cédée, mais il a été dur en affaires. Ne fais pas cette tête, c'était sa pierre après tout, et ça me permet de te témoigner l'intérêt que je te porte, mon jeune ami. Comment ça? Deviens mon apprenti, et je révélerai ton talent. Vous êtes tailleur de pierre? Le plus grand de tous les temps. Je me nomme Mondia. À la manière d'un magicien, l'homme fait apparaître dans sa main gauche une perle qu'il tend à Shams. Elle est si finement ciselée qu'on dirait une bulle de dentelle. C'est si incroyable que Shams veut la voir de plus près. Il saisit la main de Mondia. Soudain, il n'est plus dans la cour de l'orphelinat, mais dans un brouillard teinté de rouge au travers duquel il distingue des ombres effrayantes. La vision cauchemardesque s'évanouit aussi vite qu'elle est venue. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon garçon? Évidemment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Shams rassemble tout son courage et sort son plus beau mensonge. Je ne crois pas que je serais capable de faire ça un jour, vous savez. Crois-moi, un prodige tel que toi peut faire des choses encore plus impressionnantes. Alors, que dis-tu de ma proposition? Tu es prêt à rejoindre la famille Mondia? C'est tentant, mais je préfère rester ici. Quel manque d'ambition. Avec ton talent, tu aurais le monde à tes pieds. Je ne suis pas sûr que ça me plairait. Tu le regretteras, mon garçon. D'un geste théâtral, Mondia tourne les talons et s'en va. Biff accourt voir Shams. Alors, il t'a acheté des trucs? Non. Tiens, voilà ta part, Minus. Je te dois bien ça. Je veux pas de ton argent. T'es bête ou quoi? C'est un peu grâce à toi si je suis plat aux as. T'aurais jamais dû vendre ta pierre à Mondia. Il est trop louche. Biff allait répliquer, mais Shams lui cloue le bec d'un regard et lui explique tout. Biff reste sans voix. Quel imbécile je fais! Je vais aller lui rendre son argent à cet entourloupeur. Mais tu sais où il habite? Toujours savoir à qui on a affaire quand on fait affaire. Voilà ce que disait mon paternel avant de se faire coffrer. Mondia m'a dit que son magasin était au 1 bis rue de Diams. C'est juste à côté. Je serai de retour en 2 temps 3 mouvements. 20 minutes plus tard, Biff entre dans la salle commune, sa pierre dans les mains. Le lendemain, ce n'est pas le brouhaha habituel, mais un concert de plaintes qui réveille Shams. Plus personne ne retrouve sa pierre. Paniqué, Shams regarde sous son lit. Ses pierres et ses outils se sont volatilisés. Biff s'approche, la mine basse. C'est de ma faute. Qu'est-ce que t'as fait ? Mondia m'a proposé de récupérer ma pierre et de garder l'argent. Tout ce que je devais faire, c'est laisser une fenêtre du dortoir entrouverte. Je suis qu'une pauvre saucisse. On va aller chez lui et tout récupérer. Encore en pyjama, les deux enfants filent comme l'éclair, au mépris de la punition ultime qu'ils risquent de recevoir si Madame Oetker les surprend. En un rien de temps, ils déboulent rue de Diams et tombent des nues. Le bâtiment du 1 bis s'est volatilisé. Enfin, c'est plutôt comme s'il n'avait jamais existé. Personne n'en a jamais entendu parler. Les enfants rentrent dépités. Mais leur morosité est instantanément chassée par la curiosité lorsqu'ils découvrent Madame Oetker devant l'entrée, en train de discuter avec une drôle de dame. Légèrement voûtée, le visage tout ridé, coiffée de cheveux arc-en-ciel tirés en un chignon impeccable, à ses pieds repose une caisse en bois. « Vous tombez bien, vous deux. Madame Nyota est de la police. Son équipe a mis à jour une organisation qui vole des pierres précieuses, juste à côté de chez nous. Et en voulant les coincer, nous avons trouvé quelque chose qui vous appartient. » Elle soulève le couvercle de la caisse, contenant toutes les pierres et les outils de Shams. Biff ouvre et ferme la bouche comme un gros merlu. Shams lève un sourcil plein de doutes. « Ces malfrats nous ont filé entre les doigts. Je vais avoir besoin de votre témoignage. Je vais commencer avec toi, Shams. Madame Oetker m'a gentiment proposé d'utiliser son bureau. » Dès que Nyota referme la porte, Shams explose. « C'est n'importe quoi. Vous n'êtes même pas de la police. » « Tu manques pas de caractère, mon garçon. C'est plutôt une qualité pour un tailleur d'exception. Et ce sont tes talents qui m'ont amené jusqu'à toi. »« J'ai déjà dit non à cet horrible mondia. » »« Tu as bien fait. Ils corrompent le cœur avec ces maudites pierres. Je suis, pour ainsi dire, son opposé. Je suis à la tête d'une petite entreprise qui sculpte des étoiles. »« Arrêtez vos salades. » Nyota claque des doigts. Une magnifique étoile bleutée apparaît devant elle. Puis une seconde. Une troisième et des dizaines. Tellement que Shams a l'impression d'être dans l'espace. Ces étoiles sont uniques. Elles protègent ceux pour qui elles sont taillées. Un peu comme un talisman? En effet. Nous créons des étoiles pour chaque être vivant dans les mondes connus. Et nous avons besoin de renforts pour la Terre. Shams écarquille les yeux. Nouveau claquement de doigts. Le bureau disparaît pour laisser place à une salle gigantesque semblable à un hall de gare. D'étranges créatures pilotent des chariots remplis à ras-bord de pierres. Des centaines d'étoiles flottent dans les airs et se dirigent vers des portes qui s'ouvrent à leur approche. Nyota entraîne Shams dans un couloir et le fait passer d'un atelier de tailleur à un autre. Chacun prend du temps pour lui expliquer son travail. Shams ressort de la visite émerveillé. « Ta mine fait plaisir à voir, mon garçon. » « Ce que vous faites, c'est trop génial !»« Et ça te dirait d'apprendre nos secrets ?»« Trop. Mais je ne sais pas si Madame Oetker acceptera. »« On lui présentera ça comme une activité du mercredi ou du samedi. »« Je pourrais vraiment devenir un sculpteur d'étoiles ?»« Si tu travailles dur, tu vas avoir des tas de choses à apprendre et de grands défis à relever. Et foi de Nyota, ça risque d'être une aventure passionnante. » Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.